aujourd'hui les gens ne chérissent pas Dieu, il n'a pas de place dans leur cœur. Dans les jours à venir, les jours de souffrance, pourrait-il montrer un amour vrai?